Chapitre 5e, pour l'honneur et la vie. Le réveil de l'infortunée Louisa n'avait pas été moins affreux que celui de son jeune et héroïque protecteur. De même que Bill, lorsque la jeune fille était revenue à elle, elle était depuis longtemps au pouvoir des Ports-Rouges. La première impression de Louisa en reprenant ses sens fut qu'on l'emportait à toute vitesse à travers la forêt. Elle sentit ensuite qu'elle était de nouveau garrottée. Les liens de ses mains et de ses pieds lui mordaient impitoyablement la chair, lui causant des souffrances indescriptibles. Mais, incomparablement plus cruelles que ces souffrances, étaient les tortures que son esprit endurait, l'incertitude dont elle était tourmentée. Qu'était devenu le jeune maître au cœur de lion qui avait exposé sa vie pour la sienne? Quel serait son propre sort et vers quel effroyable avenir les impitoyables ravisseurs rouges l'entraînaient-ils? Par bonheur, l'épouvante et l'effroi lui enlevaient encore en partie la perception nette des choses, de sorte qu'elle ne parvint pas à prendre une idée exacte de son épouvantable situation, et ce fut un bonheur, répétons-le, sans cela elle serait infailliblement morte d'horreur. Ils allaient toujours plus loin, toujours plus loin. Louisa ne pouvait mesurer s'il y avait peu de temps ou des heures qu'on l'entraînait de cette façon. Elle n'avait plus aucune notion du temps ni de l'espace. Tout avait fini par être purement machinal pour elle pendant qu'elle allait, secouée par le pas saccadé des porteurs. Elle revit dans cette course la cabane qui leur avait servi de retraite, à elle et au vaillant jeune homme, à moins que ce ne fût une autre y ressemblant. À un moment, la jeune fille se sentit enlevée de nouveau par des bras vigoureux et déposée dans une sorte de litière étroite. Puis il lui sembla, dans cette espèce de cercueil, que s'évanouissait le soleil de son jeune printemps et que s'ouvraient devant elle les portes obscures de la mort. Une nuit noire s'était faite autour d'elle. Peu à peu, ses esprits l'abandonnèrent. Elle ne conservait plus que la sensation de l'air de plus en plus épais, lourd, vicié, irrespirable. Lorsque Louisa se réveilla de cet engourdissement, sur le lit de camp couvert de foin où on l'avait étendue, elle se dressa à moitié en étouffant un cri. Très troublée, elle regarda autour d'elle. Elle était si étonnée et inquiète qu'elle remarqua à peine qu'on l'avait délivrée de ses liens et qu'elle pouvait remuer librement. Elle se trouvait dans une sorte de vaste fosse dont les parois et la voûte étaient revêtues d'épaisses planches de chêne. Louisa eut l'impression qu'elle était sous terre, probablement dans une mine de son père. Dans cette espèce de salle souterraine régnait une lueur crépusculaire. Cette clarté venait d'une lampe à lumière fumeuse et trouble qui reposait sur une table grossièrement équarrie. Sur un banc de même fabrication, un homme était assis, les bras croisés, vêtu comme un coureur des bois. Son chapeau à large bord était tiré bas sur son front, ce qui mit Louisa dans l'impossibilité d'apercevoir ses traits. Elle vit seulement qu'il ne portait pas de barbe. Mais elle n'en eut que plus violente l'impression de deux yeux éclatants qui, sous le chapeau, étaient braqués sur elle et la brûlaient. Pour se soustraire à ce regard qui l'effrayait et l'indignait, elle se leva d'un mouvement rapide et se mit à genoux sur les planches dures du lit de camp où elle s'était jusque-là reposée. Puis elle poursuivit son examen de la salle. Auprès d'une sorte de chemin en pente qui pouvait conduire à l'orifice de la fosse, elle vit deux Indiens de haute stature qui montaient la garde, le tomahawk affilé en leurs mains croisées, aussi raides et immobiles que s'ils étaient de pierre. Avec un frisson, la jeune fille détournait les yeux de ce spectacle lorsqu'un mouvement brusque de l'homme assis à la table derrière elle les ramena de ce côté. Il s'était levé vivement. D'une secousse rapide, il dégagea son front en renvoyant son chapeau en arrière et il offrit ses traits en plein à la vue de la jeune fille. Louisa, au comble de l'épouvante, fixait sur lui des yeux hagards. Elle reconnaissait en lui un étranger qui s'était naguère introduit dans la propriété de son père et qui avait tenté de s'emparer d'elle. Mais la robuste main de son fiancé avait mis en fuite le larron et l'avait cette fois-là sauvé. Et maintenant, elle était tombée au pouvoir de ce même individu, tandis que son bien-aimé Charles, vaincu par l'horreur, la crainte et une douleur sans nom, la malheureuse se cacha le visage dans les deux mains et se mit à sangloter amèrement. « Il ne vous faut pas pleurer, dit l'odieux étranger, d'une voix qu'il faisait mielleuse et caressante. « Remettez-vous, belle demoiselle. Séchez ces larmes qu'il n'est point nécessaire de répandre, du moins avec tant de violence, car votre sort est entre vos mains. » Mais Louisa n'écoutait point ces paroles. Une indignation, qu'il n'y avait pas de mots pour décrire, la soulevait toute. Se dressant sur ses pieds, de l'air méprisant d'une reine ou d'une déesse justicière, elle s'avança vers le scélérat. « Monstre, quelle audace est la vôtre de me faire enlever violemment ? » s'écria-t-elle, d'une voix forte et assurée. « Que vous a fait mon père et mon fiancé ? Assassin sans entrailles, qu'avez-vous fait de la vie de ceux qui me sont chers ?» Mais le terrible effort qu'elle venait de faire pour affronter cet être abominable l'avait épuisée, et elle retomba dans une nouvelle crise de larmes. « Ceux que j'aimais sont morts » cria-t-elle au milieu de ses sanglots. « Que t'avait-il fait, monstrueux assassin ?» Puis, dans un revirement subit de sentiments et d'impressions, elle se jeta à genoux devant l'homme, et les mains étendues vers lui comme une suppliante. « S'il reste en vous une lueur de pitié, » dit-elle d'une voix plaintive, « apprenez-moi ce que mon père et mon fiancé sont devenus. Oh mon Dieu, je me souviens que je les ai vus couverts de sang. Et puis la nuit vint, la terrible nuit, tout autour de moi. Je t'en conjure, homme, qui que tu sois, mets fin à cette affreuse incertitude qui me torture. Apprends-moi, si j'ai bien vu, si tes mains meurtrières ont été vraiment assez criminelles pour les mettre à mort, eux, la force et le soleil de ma vie, ou si tout cela n'a pas été seulement un rêve et si je dois encore espérer. » L'homme l'avait écouté les bras croisés. « Vous demandez beaucoup en une fois, ma belle, » dit-il d'un ton ironique et léger. « Où sont-ils ? Qu'est-il devenu, lui et vos parents ? Et qui suis-je moi-même, au bout du compte ? Et pourquoi me suis-je permis de modifier un peu le cours de votre destinée ? En vérité, vous avez parfaitement raison de vouloir savoir tant de choses, et je vous promets que je serai disposé à répondre à toutes ces questions dans leur ordre. Si vous êtes raisonnable et gentil, ma douce petite. » Il eut un bref éclat de rire et pivota sur ses talons. Et d'abord, la question de localité toute belle. Vous vous trouvez dans une galerie des mines paternelles, dans une partie abandonnée, il est vrai, et qu'on n'exploite plus depuis des années. Pour ce qui est de votre sort à venir, ma gracieuse enfant, je vous ai déjà dit qu'il dépend entièrement de vous-même. Enfin, qui je suis, ce gaillard peut vous le dire. En même temps, il désignait de l'œil un des Indiens qui gardait l'entrée. Louisa vit avec un grand étonnement que ces deux peaux rouges portaient une riche coiffure de plumes qui indiquait qu'ils avaient le rang de chef dans leur tribu. Comment ces fiers guerriers en étaient-ils arrivés à garder humblement une porte, comme des chiens ? Obéissant au signe de l'étranger, l'un d'eux s'avança. « Ami, dis-lui qui tu es. La colombe blanche veut le savoir, » dit l'homme sur un ton de commandement. « Ma tribu me nomme l'orateur de la prairie, » dit d'une voix sonore l'Indien interpellé, les bras croisés sur la poitrine, dans une attitude où l'humilité se mêlait à la connaissance et à l'orgueil de sa propre valeur. Mais les visages pâles pleurent et tremblent comme des enfants poltrons quand le nom de Satanta arrive à leurs oreilles. Satanta est un grand chef. Il n'est pas un guerrier Kiowa qui n'ait baissé la tête devant lui, et lui, Satanta, ne connaît qu'un homme qu'il serve avec respect et docilité. « Et qui est cet homme ? » interrogea de nouveau l'étranger. « Parle encore à la demoiselle Satanta. » L'orgueilleux chef plia le genou. « C'est toi, Seigneur. » « Et comment me nommes-tu, ami Satanta ? » Tu es la volonté du Manitou, et nous t'appelons son messager, le Seigneur, » répondit avec solennité l'Indien, pliant toujours le genou. « Je te remercie, ami Satanta, » reprit le Seigneur d'un air détaché. « Tu peux maintenant te retirer, avec le brave Tolbul. C'est aussi un grand chef, parmi les Sioux, et, comme toi, il est mon ami. » Les deux chefs s'inclinèrent respectueusement avec la dignité propre à leur race, puis ils se retirèrent au-delà de la fermeture en planche qui servait de porte. Les yeux grands ouverts, au comble de la stupéfaction, Louisa avait laissé se jouer devant elle cette scène, bien significative dans sa courte durée. Ce qu'elle venait de voir renversait toutes les notions qu'elle avait eues jusqu'ici sur les Indiens. Pour elle, les Peaux-Rouges étaient des sauvages nettement divisés en tribus, la plupart du temps hostiles entre elles et qui, lorsqu'ils font la guerre, se livrent à toutes les dévastations. Et voilà qu'elle voyait deux chefs, l'un Sioux, l'autre Kiowa, ennemis jurés d'ordinaire, qui se reconnaissaient soumis aux mêmes devoirs et aux mêmes services envers un homme étranger à leur race et qu'ils vénéraient comme un être supérieur. Le seigneur n'avait pas détourné ses regards de la jeune fille. On eût dit un dévot les yeux fixés sur sa madone. « Vous voyez, belle demoiselle, fit-il avec un rire satisfait, que vous ne vous trouvez pas au pouvoir du premier venu. » Mais il s'arrêta bientôt devant l'expression de physionomie de sa victime, un monde d'aversion et d'horreur s'y lisait clairement, et de ses lèvres frémissantes s'échappèrent ces paroles. « Que d'autre vous honore? Je ne vois en vous que l'infâme meurtrier de ceux que j'aimais, et le scélérat qui a détruit le bonheur de mon existence. » Le rire qui entr'ouvrit les lèvres de l'homme et laissa voir ses dents de loup aurait dû avertir la jeune fille qu'il était prudent de ne point parler davantage. Mais l'élan de sa noble indignation l'emportait, elle reprit. « Ah, il avait ses raisons pour vous craindre, mon pauvre père. Il avait ses raisons pour ne parler de vous que dans les termes les plus méprisants, de Don Ramiro, ou quel que soit le nom dont vous vous nommiez. Vous n'avez apporté à ceux qui me sont chers que l'épouvante et la mort. Vous avez arraché l'époux à sa femme. Vous m'avez ravi ma mère et ma sœur. Et maintenant, c'est sur moi que vous allongez vos mains fumantes de sang, monstre plus effroyable que tous les maux de la terre réunis. S'il est un dieu dans le ciel, il veut, il doit vous frapper, vous punir. » L'effet de ces paroles hardies et imprévues sur l'homme debout devant elle fut terrible. La veine de la colère se gonfla sur son front bas. Ses yeux sournois lancèrent des éclairs de rage, et une étrange expression de haine se répandit sur sa sombre physionomie. « Qu'oses-tu dire, folle ? » siffla-t-il. « Ne t'a-t-il donc pas dit, cet homme, que tu appelais ton père, qu'en mon enveloppe charnelle il n'y a point d'âme ? Que le tigre, dans sa fureur aveugle, est un doux agneau, comparé à moi lorsqu'on ose m'irriter ? Misérable folle, ne comprends-tu pas qu'il ne dépend que d'un clin d'œil de moi pour t'exposer à des tortures si raffinées dans leur horreur que ta cervelle de pigeon ne saurait les concevoir, encore moins les endurer ? » Mais instantanément ses traits se rassérénèrent. Et pourquoi m'échauffer après tout ? Dit-il d'un ton tout différent et avec un rire indulgent, comme on en a à l'égard des enfants gâtés. C'est vrai, ce Mr. Huntington avait certaines raisons pour se garer de moi et éviter ma colère. Mais ne lui avais-je pas dit que je le retrouverais, et que la mort serait l'expiation de son insolence d'oser contrarier ma volonté ? Pourquoi a-t-il eu l'audace de vouloir me priver de cette cassette ? Il aurait pu vivre avec vous tous dans la paix s'il ne m'avait pas traité avec arrogance. Mais il me fallait cette cassette, il me la fallait, entends-tu, jeune fille ? Et puisqu'il ne me la donnait pas de sa libre volonté, et que j'étais obligé de monter sur des cadavres pour m'en assurer la possession, ma foi, je suis monté sur des cadavres. Et la cassette est maintenant entre mes mains. » Avec un rire féroce, il montrait une cassette de métal d'un brillant poli placée sur la table, non loin de la lampe. Un frisson saisit Louisa et la secoua de la tête aux pieds. Elle avait reconnu dans cette cassette un petit meuble que son tendre père conservait avec soin et qui, d'après ses propres déclarations, enfermait le secret de la vie de la jeune fille et la révélation du passé. « Vous tous, vous ne m'importiez en rien. Je n'avais besoin que de cette cassette, » continua Don Ramiro avec un accent d'ironie voulue. « L'excellent Mr. Huntington peut vous avoir dit, ma belle demoiselle, que le contenu de cette cassette vous touche de très près. Non ? Alors je dois vous déclarer que jusqu'à votre dernier soupir, vous ne saurez pas exactement ce qui s'y cache. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce contenu est tout à fait particulier et qu'il m'oblige, malgré mes regrets, à vous mettre, ma belle jeune fille, en demeure de faire un choix, qui vous paraîtra étrange non moins que cruel. J'ajoute que ce choix, c'est aujourd'hui, c'est même sur l'heure, que vous devez le faire. Vous êtes complètement en mon pouvoir, par conséquent, je pourrais faire ce choix moi-même à votre place et vous contraindre à obéir à ma volonté. Mais j'ai mes raisons pour vous laisser libre et vous donner par là l'option entre la vie et la mort. Et maintenant, ma belle jeune fille, écoutez-moi, si c'est l'effet de votre bon plaisir. » Il était debout, s'appuyant au bord de la table, le visage tourné vers elle. Il appuyait ses mains sur ses hanches et il la regardait fixement. « Apprenez d'abord qui je suis. Je mène une vie double. En public, je suis un riche, sinon le plus riche planteur du Sud, possesseur de milliers d'esclaves et, naturellement, très intéressé dans cette guerre au succès de nos braves États. Dans ce rôle-là, on me nomme Don Ramiro. Et je puis bien dire que ce nom est également estimé, honoré et redouté. » Il s'interrompit avec un petit rire ailleurs, comme pour laisser à ses paroles le temps de produire leur effet sur Louisa. Mais plus il parlait, moins l'innocente enfant le comprenait. Elle ne savait qu'une chose, qu'elle sentait confusément dans chacune de ses paroles, c'est que c'était un meurtrier inaccessible à la pitié, dont la main sanglante s'était abattue sur le bonheur de sa vie. « Et maintenant ce choix, que je regrette d'avoir à vous mettre en demeure de faire, » continua Don Ramiro. « Il s'agit de savoir, ma gracieuse colombe, si tu dois aujourd'hui devenir mienne. » Le regard de la jeune fille avait dans sa douceur une telle expression de réprobation justicière qu'il s'interrompit malgré lui. Mais le moment d'après, il frappait du pied avec impatience et avait repris tout son aplomb. « Devenir mienne, » répéta-t-il avec force. « Je m'exprime assez clairement, je crois. Jamais. » Louise cria ce mot, pleine d'une farouche indignation, tandis qu'un frisson glacé courait par tous ses membres. « Jamais, » répéta-t-elle, toute soulevée de colère. « Vos paroles sont infâmes. Vous n'avez pas d'honneur. Vous abusez lâchement du pouvoir que vous avez usurpé sur moi. Mais j'aimerais mieux mourir, Don Ramiro, que d'être votre compagne, votre femme. » Le scélérat dont les doigts sont encore fumants du sang répandu de mon père chéri, de mon fiancé, plus aimé que tout le reste du monde. » Mais elle s'arrêta subitement. Le rire diabolique et le regard fixe de Don Ramiro lui figeaient le sang dans les veines. « Ne sois pas trop insolente, petite. On donne les verges aux enfants gâtés, » fit Don Ramiro d'une voix sifflante, avec un accent de dur mépris. « Qui t'a dit, folle enfant, que je te veuille pour compagne? Apprends donc que, devant le monde, j'ai une femme qui porte mon nom et qui partage avec moi le respect du pays. Ce que tu as à choisir, c'est la mort ou un instant d'ivresse dans mes bras, comme une amante qui s'offre librement. » Une pâleur mortelle avait envahi les joues de la jeune fille. À chacune de ses paroles, tout son corps frissonnait et se contractait comme sous des coups de fouet infâmes. Cependant, elle reprit bientôt possession d'elle-même. Les larmes se séchèrent dans ses yeux, une expression de noble fierté se répandit sur ses traits décolorés. « J'attends la mort, » dit-elle, frémissante. Don Ramiro la regarda comme s'il ne l'avait pas entendue. Puis d'un bond, il se plaça devant elle, la couvant de son œil sombre où luisait une résolution passionnée. « Es-tu folle, jeune fille ? » lui demanda-t-il encore une fois. « Il est facile de parler légèrement de la mort, mais mourir est dur, surtout à ton âge. Et en vérité, elle ne serait pas douce, la mort qui t'attendrait. Mes fidèles, les Sioux, les Kiowas, les Comanches, les Apaches, je ne peux les nommer tous, prêts à obéir à un signe de ma main, savent admirablement martyriser. Qu'ils aient à préparer les affres de l'enfer pour un guerrier farouche, ou à déchiqueter et à déchirer de leurs mains un corps de vierge blanc comme les lys, ils ne font aucune différence. Ils ne savent pas ce que c'est que la miséricorde. La pitié leur est aussi étrangère qu'à moi-même. Fais attention à cela, folle que tu es. Réfléchis d'abord, tu choisiras ensuite. » Louisa fit appel à toute sa force de résistance. Elle se redressa d'un mouvement rapide avec un calme qui ajoutait un charme de plus à sa gracieuse innocence. Elle répondit: « Ceux que j'aimais sont morts, mais ils m'ont appris à estimer l'honneur plus haut que la vie. L'infamie que recèle votre proposition, que le ciel vous pardonne, moi, je ne peux pas le faire. vous m'avez mortellement offensé. En tout cas, voici ma réponse. Appelez tout de suite les valets du meurtre. Je saurai vous montrer à tous, bien que je ne sois qu'une faible fille, comment on meurt avec courage et résignation. » Mais ce discours parut ne faire aucune impression sur Don Ramiro. Enfoncé dans un sombre silence, il ne le rompit que longtemps après que Louisa eut cessé de parler. « Je veux, dit-il, pardonner ces paroles à ton inexpérience. Tu ne sais pas devant qui tu es. Sache que je suis un homme qui n'a jamais laissé une seule offense sans vengeance. Pour chaque mot allant trop loin, tu seras puni toi aussi. Note bien cela. D'ailleurs, je ne m'échauffe pas à ton sujet. Je ne recherche pas ton amour. Je n'ai pas à feindre avec toi. Eh bien, je n'ai jamais encore aimé de femme. Jamais une femme ne m'a inspiré le chaud sentiment de la tendresse. Tu me seras toujours aussi indifférente que tu l'es maintenant. Mais les circonstances me commandent. Tu es un danger dans ma vie. Si je te fais mourir, tu es, il est vrai, hors de mon chemin. Tu ne peux plus jamais me nuire, mais ton ombre le peut. Une fois accompli, le fait peut s'ébruiter et me devenir fatal. Ce n'est pas vraisemblable, sans doute, mais c'est cependant toujours possible. Comme tout homme de sens rassis, je ne m'appuie qu'à contre-cœur sur la vraisemblance ou son contraire. C'est pourquoi je ne te ferai mourir qu'en cas de nécessité absolue. Comprends-moi bien, petite. Ce n'est ni par sympathie, ni parce que tu es jeune, et ce que les hommes appellent belle. Tes charmes ne m'émeuvent pas et ta beauté ne me dit rien. Je te hais, comme je hais le monde entier. Oui, si je pouvais faire que l'humanité n'eût qu'une seule tête, je l'abattrais d'un seul coup de sabre. Il était hideux en ce moment. Ses yeux roulaient farouchement dans leurs orbites et lançaient du feu. On entendait ses dents grincer les unes contre les autres, et l'excès de sa rage mettait un tremblement dans tous ses muscles. Il continua. « Si je te ravis ce qu'on appelle l'honneur des filles, cela pareillement ne me servira de rien, car tu pourras toujours te plaindre d'être une victime de la violence. Et alors, tu serais encore un danger pour moi. Non, ce qu'il faut, c'est que tu te donnes à moi librement, sous les yeux de personnes soigneusement choisies par moi, qui puissent croire à la sincérité de ton sentiment et à l'abandon volontaire de tes principes. Et pour cela, tu devras me combler des marques de ton amour et de ton ardeur. Après, il arrivera ce qu'il pourra. Après, tu pourras vivre, car tu ne seras plus jamais un danger pour moi, ni pour mes fiers desseins. » Il eut un rire effrayant en prononçant ces derniers mots, puis il se tut, les yeux fixés sur la jeune fille qui tremblait comme les feuilles du peuplier et dont il attendait impatiemment la réponse. Mais elle ne lui répondit pas un mot. Surmontant son émotion, elle l'enveloppa d'un long et énigmatique regard où se reflétait tout un monde de pensées. Puis, toujours muette, elle se détourna. La veine de la colère se gonfla de nouveau sur le front de l'homme. Il s'élança vers Louisa et lui prit la main avec une violence si brutale qu'elle ne put retenir un cri. « Enfant insensé !» s'écria le scélérat. « La simple pression de ma main t'arrache un cri de douleur, et tu crois pouvoir supporter la mort sous sa forme la plus effroyable et la plus cruelle ?»« L'orgueil se lit sur tes traits. Cela vous a un air si héroïque de préférer la mort au déshonneur, mais ne compte pas sur ma pitié. Je n'en possède pas une parcelle, je te le répète. Je regrette déjà de m'être laissé aller à causer avec toi, mais tu as choisi. Et je vais appeler les inexorables exécuteurs de mes arrêts. Ainsi, tout regret est tardif et inutile. Tu es et restes perdu. » La jeune fille blêmit encore, mais sa bouche se contracta en un rire de dédain. « Je préfère la mort à l'ignominie d'être obligé de respirer quelques secondes de plus, le même air que vous, Don Ramiro, » dit-elle. Elle avait fait effort pour rendre sa voix ferme. L'insulté pâlit à son tour jusqu'à la racine des cheveux. Emporté par la fureur, il fit un mouvement comme pour s'élancer sur Louisa et l'étrangler de ses doigts crispés. Mais, brusquement, il parut céder à une autre pensée et sa physionomie reprit son expression ordinaire. « Écoutez-moi, » commença-t-il après un instant de réflexion. « Vous vouliez savoir tout à l'heure ce qu'est devenu votre fiancé. Qu'arriverait-il si je consentais maintenant et ici même à vous donner ce renseignement ?» Dès les premiers mots, un changement surprenant s'était produit sur les traits de la jeune fille. Elle se cacha le visage dans ses mains et se mit à sangloter amèrement. La surexcitation de son âme était si intense, toutes les fibres de son corps étaient tellement tendues dans l'attente de la torture, qu'il suffit de la mention de cet être cher pour lui ravir tout ce qui lui restait du sens de la réalité. « Charles !» Comme un cri de désir parmi les sanglots, ce cher nom revenait toujours sur ses lèvres. Elle ne s'inquiétait pas de l'air de Don Ramiro qui semblait la guetter avec une attention aiguë. Cédant à une impulsion soudaine, elle se précipita à ses pieds et lui embrassa les genoux en un geste de fervente prière. « Et vous aussi, une mère vous a porté, gémit-elle, par la tête de cette femme qui doit vous être chère. Je vous conjure, ne me mettez plus les nerfs à l'épreuve avec cette idée de torture. Ne m'entraînez pas dans la nuit délirante du désespoir, mais dites-moi ce qu'il est advenu de Charles Davis et de mon pauvre et respectable père. » Et sans attendre la réponse de Don Ramiro, la malheureuse se tordait les mains dans un nouvel accès de désespoir. « Qu'est-ce que je demande? N'ai-je pas vu de mes yeux mes bien-aimés couchés dans leur sang ? » s'écria-t-elle avec une douleur poignante. « Oh, homme exécrable, ce que vous avez fait, vous ne pourriez pas, dans toute l'éternité, en faire une chose bonne, sans parler du compte que vous avez à rendre à Dieu. » Don Ramiro souriait avec indulgence. « Laissez-moi ce soin, » reprit-il au bout d'un instant, « mais vous ne devriez pas en croire trop vos souvenirs. En ce qui concerne l'homme que vous appeliez votre père et que vous croyez devoir respecter, bien qu'il mérite peut-être beaucoup plus votre haine et votre mépris, il n'y a rien de caché. Il est et reste aussi mort qu'un homme peut l'être. Au contraire, votre promis tendrement aimé, Charles Davis... » Il s'arrêta tout à coup, pour se repaître les yeux de la figure troublée de sa victime, qui dénotait une extrême angoisse en même temps que l'attente avide et impatiente d'en être délivrée. « Au nom de la miséricorde divine, » fit-elle, « qu'est devenu Charles Davis ?» Louisa n'avait plus d'autre idée que celle-là. La violence de son émotion lui permettait à peine de parler. Elle était tellement inquiète du sort de l'homme qu'elle aimait que son esprit, travaillé par la fièvre, ne pouvait s'occuper d'autre chose. Plus tard seulement, elle devait réfléchir aux indications que Don Ramiro lui avait données relativement à l'homme qu'elle tenait pour son père. Calme, faisant montre d'une entière indifférence, Don Ramiro, le sang mêlé, était toujours debout. Mais cette indifférence n'était qu'un masque, derrière lequel il cachait l'impatience fiévreuse de ce qu'allait dire et faire sa prisonnière à genoux devant lui. Pour quelqu'un qui a déjà renoncé à la vie et qui se prépare à la mort, vous êtes remarquablement avide de nouvelles, ma belle enfant, dit-il reprenant son ton hautain et son ironie tranchante. Mais soit, je suis en un sens d'humeur généreuse, ce qui ne se voit pas souvent chez moi. Eh bien, sachez donc que l'homme qui est si près de votre cœur vit, et que cependant il est mort. Un seul homme est capable de le sauver du sort le plus effroyable qui puisse émouvoir une poitrine humaine. Je veux dire, d'être enterré vivant, pour se réveiller d'abord dans l'épaisse nuit du tombeau, loin de tout secours humain, et pour y périr ensuite lentement et misérablement. Cet homme unique, c'est moi, moi tout seul. » La pauvre et charmante enfant jouait des sentiments les plus contraires et était toujours à genoux. La tête lui tourna aux révélations de cet homme plein de mystère. Elle fixait son regard incertain et troublé sur l'hypocrite qui affectait de rire. « Je ne vous comprends pas. Vous dites que mon fiancé est en vie et cependant qu'il est mort. Qu'est-ce que cela signifie? Oh, ne m'énervez pas avec des images de supplice. Si vous aviez aimé, vous sauriez ce que c'est que de devoir constamment craindre pour les jours de l'être qu'on aime. » Et des larmes coulèrent, amères et abondantes, sur le visage désolé de Louisa. « J'ai peu de mots à ajouter, » dit le sang mêlé du même ton détaché que tout à l'heure. « C'est que le sort de cet homme, que vous déclarez aimé d'un amour extraordinaire, C'est vous qui avez à en décider. Moi ? S'écria Louise étonnée. Ses yeux, rivés sur Don Ramiro, perdirent promptement leur animation et n'exprimèrent plus qu'une complète incrédulité. Mais elle dut les baisser sous le feu impur qui éclatait dans les sombres et flamboyants regards du sang mêlé et qui fit passer un frisson par tout son jeune corps. « Vous, et seulement vous, » répéta Don Ramiro avec une insistance impressionnante, tout en se rapprochant d'elle. « C'est en vos mains que je remets la décision qui réglera le sort de ce Charles Davis, lequel est maintenant gisant en un caveau secret de ma maison de campagne, sur l'autre rive du Missouri, dans un état qui ressemble à la mort, mort et pourtant vivant, incapable de lever un doigt ou de commander à son cœur un battement, et pourtant capable de comprendre clairement toutes les paroles prononcées dans son voisinage. Effrayant. Vous êtes un démon. Un démon seul peut imposer de telles tortures à un malheureux, soupira la jeune fille, affolée de douleur. Don Ramiro ne tint pas compte de l'interruption. Il la couvait du regard, comme le serpent venimeux fait de sa victime fascinée avant de se jeter à sa mortelle étreinte. « Et maintenant décidez, » poursuivit-il d'une voix rauque, « renoncez à ce qu'on appelle l'honneur et déterminez-vous à vivre pendant une semaine au milieu d'un camp indien avec moi. Vous feindrez pour moi de l'amour et de la tendresse, de façon à persuader tout le monde que c'est librement que vous vous êtes jeté dans mes bras. Et non seulement votre Charles, intact, sain et sauf, ressuscitera d'entre les morts, mais encore il ne saura rien de nos petits arrangements. » À moins que vous ne soyez assez folle pour vendre la mèche, et à la fin de la semaine, vous serez unis à lui. Ainsi, dans les bras de l'homme aimé, vous pourrez vous dédommager avec usure de ce que vous m'aurez sacrifié auparavant. » Il ponctua d'un rire hideux ces paroles, qui étaient autant de coups de poignard dans le cœur de Louisa. Mieux encore, comme compensation du dommage fait aux mines de l'homme que vous appeliez votre père, je vous compte $10,000. Vous pouvez vous transporter dans un autre pays plus heureux, et loin du théâtre d'une guerre sanglante, mener une vie pleine des délices de l'amour auprès de votre bien-aimé, jouir d'avance du ciel sur la terre. Il attendit, mais en vain, qu'un mot sortît des lèvres convulsées de la jeune fille. En proie à une agitation qui la dominait toute, Louisa, toujours à genoux, pouvait à peine conserver son équilibre. Son corps vacillait de côté et d'autre comme sous l'influence de l'ivresse. « Est-ce pour bientôt ?» fit enfin Don Ramiro, d'une voix menaçante, en frappant impatiemment le sol du pied. Encore point de réponse. Un sanglot convulsif fut tout ce que les lèvres laissèrent échapper de la détresse de l'âme. « Jeune fille, ma patience est épuisée. Ne crois pas pouvoir me retenir plus longtemps. » Si tu n'es pas mienne pendant que je le veux encore, tu appartiens dès cet instant, à titre de butin, et de butin agréable, crois-le, à ces mêmes Indiens que tu as vus. Ils te feront mourir dans les plus cruels tourments, et pour que ton bien-aimé te maudisse, je prendrai soin, avant de l'enfermer dans le cercueil et de l'enfouir vivant dans la terre, de lui murmurer à l'oreille que tu aurais pu le sauver, mais qu'un caprice t'a fait refuser de prononcer le mot libérateur. De sorte que le malheureux, dans son épouvantable tombe, mêlera à son dernier râle une malédiction contre toi. » L'infortunée Louisa tremblait sous ces paroles dans une fièvre d'épouvante et d'horreur. La nouvelle que l'élu de son cœur était encore vivant l'avait ranimée, lui donnant une plénitude de joie qu'elle ne connaissait pas encore. Elle était, dans le premier moment, si transportée de gratitude qu'elle aurait humblement baisé les pieds du métis. Mais cette exaltation d'un enthousiasme excessif n'avait duré que quelques secondes et elle était retombée dans l'abîme sans fond du désespoir le plus amer. Comment pourrait-elle satisfaire à ce que ce monstre détestable exigeait d'elle? Louise plaçait sa vertu plus haut que sa vie. Elle aurait volontiers donné celle-ci à l'homme aimé, mais elle ne pouvait pourtant pas lui faire le sacrifice de son honneur. Non. Charles lui-même lui ordonnerait de ne pas le faire. Tel qu'elle connaissait son bien-aimé, il préférerait la mort. Et comment pourrait-elle soutenir la pensée de se présenter jamais à ses yeux avec le stigmate de la honte sur son front souillé? Non, mille fois non. Cette exclamation sortit inconsciemment de la bouche de la jeune fille qui, dans le tourbillon de ses pensées, avait presque oublié le lieu où elle se trouvait. En même temps, elle se relevait, les traits rayonnants d'un éclat surnaturel. Don Ramiro tressaillit comme arraché à ses réflexions. « Qu'est-ce que cela signifie ? » hurla-t-il plein de fureur. « Votre fiancé et son sort vous intéressent-ils si peu que vous osiez encore me braver ? » « Avez-vous oublié que je sais le moyen de lui faire quitter cette vie en vous maudissant ?»« Ceci est entre les mains de Dieu, et d'ailleurs, il faut toujours souffrir l'amertume de la mort. Là finit votre puissance, mais notre âme, la partie de nous-mêmes qui ne meurt pas, monte vers Dieu. C'est lui, lui qui est l'amour, qui nous unira, en un lieu où il n'y a plus ni séparation ni mort. » Et où tous les artifices et toutes les méchancetés du malin ne pourront plus troubler notre pur et délicieux bonheur. » Ce fut avec l'enthousiasme d'une visionnaire, les bras étendus comme si elle voyait déjà les portes du paradis grandes ouvertes devant elle, que la jeune fille prononça ces mots. « Ainsi, vous choisissez la mort ?» siffla le sang-mêlé. Louisa répondit d'un signe de tête. Elle le regardait les yeux pleins de flammes, impuissante à dire une parole. « Idiote, au lieu de m'écouter, tu vas te laisser dépecer au gré des fantaisies bestiales d'indiens ivres de sang. L'ignominie des autres ne saurait être un déshonneur pour moi, » dit la jeune héroïne avec calme. « Seule ma volonté peut me salir, et c'est pourquoi je meurs plein de confiance. Et je prierai encore, au dernier moment, pour vos valets assassins, misérables, dévoyés, qui ne savent guère ce qu'ils font. Quant à vous, Don Ramiro, je vous assigne devant le tribunal de Dieu, et vous m'y rendrez des comptes durant l'éternité. » Il y avait dans toute la personne de Louisa une telle noblesse et une telle grandeur que Don Ramiro lui-même, tout endurci qu'il fût, ne trouva dans le premier moment rien à répliquer et ne put s'empêcher d'admirer la radieuse figure debout devant lui. Mais cela ne dura qu'une minute. Aussitôt après, le vieil homme reparut. Un cri, qu'on ne peut appeler que bestial, entr'ouvrit ses lèvres minces. La certitude que, contre la pureté de cette âme de vierge, toutes ses machinations devaient se réduire à néant, le jeta dans un accès d'aveugle frénésie. Un instant, il se replia sur lui-même comme s'il prenait son élan pour se jeter sur cette fille têtue et l'étouffer de ses mains. Mais au milieu de son mouvement, il s'interrompit et se mit à écouter avec une grande intensité d'attention. On avait tiré un coup de feu à l'extérieur, et la galerie souterraine en avait répété l'écho jusqu'en ses profondeurs. Une seconde encore, Don Ramiro écouta avec une incroyable expression de trouble sur la physionomie, comme si la possibilité d'un tel événement fût absolument en dehors de toutes ses prévisions. Mais une seconde détonation résonna bientôt, puis, sans intervalle et venant évidemment d'un revolver, une troisième et une quatrième. Les traits du coquin, tout à l'heure encore si impérieux, exprimaient un effroi farouche. Inquiet, plein d'une angoisse croissante, il regardait autour de lui comme pour chercher un coin où il pourrait se soustraire aux dangers menaçants. Un mépris sans bornes envahissait le cœur de Louisa. Avec l'instinct de l'innocence, elle perçait à jour tout ce qu'il y avait de faux dans cet homme. Aucun sentiment n'habitait en son âme. C'était un despote féroce, capable de contempler voluptueusement les douleurs de ses semblables, mais qui devenait un lamentable lâche dès qu'il devait lui-même regarder le danger en face. À cette idée, Louisa eut un rire plein de fierté en même temps que de mépris. Lançant un terrible coup d'œil, haineux et vindicatif, sur la brave jeune fille, Don Ramiro grinça des dents. « C'est un rire que tu me paieras cher, misérable !» fit-il, puis il tapa des mains. Aussitôt apparurent, dans l'ouverture qui servait de porte, les deux chefs indiens. Étendant la main droite, Don Ramiro leur montra Louisa, immobile et calme. « Emparez-vous de cette donzelle !» ordonna impérieusement le sang-mêlé. Immédiatement, et sans qu'un cil de leurs yeux bougeât, les chefs obéirent. semblables à des étaux de fer, leurs mains en serrèrent les membres délicats de la jeune fille. On entendait dans le lointain un bruit de lutte acharnée. « Que se passe-t-il donc là-bas ? » demanda Don Ramiro. Il avait peine à maîtriser l'inquiétude de plus en plus forte qui l'agitait intérieurement. « L'ennemi s'est approché, » répondit Satanta avec la dignité qui lui était propre. « Nos jeunes gens sont sur leur garde. Ils reviendront bientôt et les chevelures des visages pâles vaincus orneront leurs ceintures. » Un hideux sourire de satisfaction se joua sur la physionomie de Don Ramiro, prompt à se rassurer. « Et maintenant à vous, » commanda-t-il en montrant la jeune fille. « Garrottez la donzelle de sorte qu'elle ne puisse pas dire ouf. Puis vous la porterez à ma maison de campagne. Aujourd'hui même, mais sous la protection des ténèbres, vers minuit. Vous frapperez à la porte de la mort, me comprenez-vous ? C'est ma volonté et mon ordre que personne, non pas même les avant-postes disposés autour de ma propriété, ne la voit quand vous la porterez. Je me trouverai moi-même à la porte de la mort et je recevrai la fille. Est-ce entendu ? Tu seras content de nous, Seigneur, répondirent les deux chefs comme d'une seule bouche. Bien, fit brièvement Don Ramiro. Après un moment de réflexion, il reprit. « Vous me répondez sur votre tête que cette jeune fille ne se fera connaître à personne en chemin. Malgré toute votre vigilance, le cas peut se présenter où elle soit en danger de tomber au pouvoir de l'ennemi. Dans ce cas, tuez-la sans hésitation. Mais ne la faites pas mourir comme une jeune fille. Voyonnez-la guerrier qui a tué votre propre fils et a ravi sa chevelure. Qu'aucune torture ne soit trop terrible et ayez soin qu'elle rende le dernier soupir avant que l'ennemi puisse mettre la main sur elle. Liez-la sur un cheval. » Et nous irons ensemble au wigwam. Le reste se fera en son temps. » Les traits hâlés des deux chefs indiens s'éclairèrent d'une joie cruelle. « Tu seras content, Seigneur, » répétèrent-ils ensemble et avec la même assurance. Don Ramiro fit un signe de satisfaction. Il enleva la cassette de la table et la serra soigneusement sur lui. Puis il leva la main en un geste significatif pour avertir encore Louisa. « Il y va de l'honneur ou de la vie ? Il faut que tu abandonnes l'un ou l'autre. Réfléchis à cela une dernière fois. Dans une heure, l'arrêt sera rendu. » Il l'est déjà. Je choisis la mort, dit Louisa, sans hésiter. Mais Don Ramiro n'écoutait plus. Il sortit de la salle souterraine en faisant entendre son rire odieux, et derrière lui, les Indiens entraînèrent la victime infortunée.